Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les lettres de Gandhi à Hitler. Hitler s'apprêtait à massacrer 6 millions de Juifs et je ne sais pas quelle responsabilité d'autres on peut ajouter en termes de millions de morts. Oui. On peut ajouter sur le dos d'Hitler, mais est-ce que, mon cher ami, c'est bien raisonnable ce que vous faites là, est-ce que c'était suffisant? Est-ce que la non-violence était une manière de parler à un monstre? La réaction de l'animateur de Second Regard, Alain Crevier, au micro de Christiane Charette en 2011 est assez représentative du débat qui continue aujourd'hui encore d'exister autour de la pertinence d'écrire à Hitler pour lui demander de renoncer à la guerre. Le père de l'indépendance de l'Inde, apôtre de la non-violence, Gandhi, va écrire deux lettres à Hitler, l'une en juillet 1939 et l'autre en décembre 1940, pour tenter de le convaincre, donc de renoncer à la violence, de renoncer à la guerre. Pourquoi ces deux lettres? Faut-il s'indigner du ton qui prend Gandhi? Et que cherche vraiment Gandhi en écrivant à Hitler? Il écrit une lettre à Hitler et ça commence par « Mon cher ami ». Et je paraphrase, il ajoute « Est-ce que c'est bien raisonnable ce que vous faites là? » Peut-être que moi, j'ai été provoqué par ça. Mm. Que la lettre commence par « Mon cher ami », ça me déboussole complètement. Et je me suis dit, à force de réfléchir là-dessus, la non-violence aurait-elle une limite? Est-ce que cette manière-là d'essayer de convaincre l'autre de cesser la stupidité ou l'absurdité ou les horreurs, est-ce qu'il n'y a pas une limite là? Et je pense que Gandhi l'a démontré, il y a une limite. C'est-à-dire, le langage qu'il a tenu face à Hitler, pensez-vous que ça allait changer quelque chose à Hitler? À nouveau, Alain Crevier à l'émission Christiane Charette en avril 2011 pour nous parler de ces deux lettres que Gandhi va effectivement écrire à Hitler. Mon invité est Carl Bouchard, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire, professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. Et puis Alain Crevier pose très bien tout ce questionnement qui existe encore aujourd'hui autour de cette démarche-là. Puis on va l'aborder, ce questionnement, au cours de l'émission. Oui. Peut-être un peu de contexte d'abord, pour nous rappeler où en est Gandhi. Dit au moment où il écrit à Hitler. Oui, mais on n'a pas besoin évidemment de présenter Hitler, mais présenter Gandhi, ça peut valoir la peine. Dans les années 30, Gandhi est toujours un militant. Il milite pour l'indépendance de l'Inde, mais il est aussi un homme politique. Il fait partie du Parti du Congrès, qui est le parti nationaliste indien. Donc, de temps en temps, il le dirige. De temps en temps, il est la figure tutélaire de ce parti. Et puis, il est aussi donc un militant et qui agit par sa non-violence pour l'indépendance de l'Inde. Ce qui fait que, par moments, il est emprisonné pour désobéissance civile, on le relâche. Donc, les Britanniques ont un genre de rapport extrêmement ambigu avec cet homme politique, qui est vu à la fois comme un danger, mais qu'on commence à voir comme quelqu'un aussi de relativement légitime dans son combat. Par exemple, au début des années 30, il est à Londres pour participer à une série de conférences sur l'avenir de l'Inde. Alors donc, on le considère comme un acteur quand même de ce nationalisme indien. Et cette méthode de résistance dans la non-violence, de résistance passive, elle va donner certains résultats parce que, justement, les Britanniques font certaines concessions. Il y a comme une négociation, en fait. Une négociation, effectivement, une négociation qui est aussi déterminé par le nombre. Oui. C'est que, malgré tout, les Britanniques sont quelques milliers en Inde face à des centaines de millions d'Indiens. Oui. Alors, ce leader-là a quand même un poids aussi, un poids de popularité aussi et d'action que les Britanniques doivent prendre en compte. Comment expliquer, par ailleurs, que Gandhi écrive à Hitler? On y revient à cette incontournable question. Je pense que pour le comprendre, il faut gratter un peu plus sur qui est Gandhi et essayer de voir et de rappeler peut-être un peu, Carl Bouchard, les grands principes de sa fameuse doctrine de non-violence. Oui, des grands principes qui ne sont pas forcément connus dans les années 30, au-delà du cercle des disciples de Gandhi. Donc, c'est important de bien marquer un peu en quoi ça signifie. Donc, c'est à la fois des principes, c'est un enseignement et c'est aussi des moyens d'action. En fait, trois niveaux un peu de compréhension. Le premier, ben, c'est deux grands principes. L'un qu'on appelle le satyagraha, qui est qui peut se traduire par la force de l'âme ou la force de la vérité, qui est donc le moyen de l'approche par rapport au monde. Et puis un autre principe qui est l'ahimsa, qui est donc le refus de la violence. Mm-hmm. Donc c'est une guerre sans violence, c'est un combat sans violence. Donc ces deux principes, ils sont fondés aussi sur ou mènent à un certain nombre d'enseignements. Ces enseignements, c'est par exemple que l'humain est fondamentalement bon. Qu'on doit toujours avoir une certaine bienveillance par rapport à l'humain, puisque ce sont ses gestes qu'on va condamner davantage que l'humain en soi. Ouais. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de haine envers son adversaire non plus. L'objectif, c'est surtout de convaincre son adversaire, donc de solliciter chez lui la compréhension d'un geste et non pas de le combattre pour lui-même. Ça veut dire aussi que la non-violence, donc le fait de faire la guerre sans violence, c'est un acte extrêmement courageux. Et pour Gandhi, c'est beaucoup plus courageux que d'être violent. La violence, pour lui, c'est un geste presque instinctif. Ouais. La non-violence, c'est tout un combat sur soi et avec les autres pour parvenir à ses fins. Donc, la non-violence, c'est un acte courageux, beaucoup plus que la violence. Et puis, dernier point aussi, c'est une conviction. Conviction que la justice est du côté des gens qui combattent. Donc, l'univers est du côté de la justice, comme le disait Gandhi. Alors ça, ce sont les enseignements. Puis à partir de là, il y a un certain nombre de moyens d'action. Comment agir de façon non-violente? Eh bien, on va, et on les connaît un peu plus, le boycottage, par exemple, la non-coopération, la résistance, mais une résistance non-violente. Une résistance active. Gandhi déteste la résistance passive. Pour lui, la résistance doit être courageuse, justement, mais rester non-violente. Ce sont des actes de désobéissance civile, ce qui se passe énormément en Inde dans les années 30. Des marches populaires. Alors, on se rappelle la fameuse marche du sel de Gandhi, par exemple. Alors, des moyens d'action qui déstabilisent, dans une certaine mesure, la personne qu'on combat. Quel lien on peut faire entre ce que vous venez de nous décrire, cette théorie de la non-violence et la façon dont elle peut s'appliquer, les moyens de pression qu'on peut exercer pour tout en étant conforme à cette doctrine de la non-violence? Quel lien on peut faire entre ça et les lettres de Gandhi à Hitler? On va écouter l'intellectuel français Jacques Attali, vous allez voir, c'est intéressant, qui a consacré d'ailleurs un livre à Gandhi, en parler à l'émission Second Regard en 2009. Il a une foi absolue dans sa logique. Il va jusqu'à recommander aux Anglais de se laisser envahir en disant que c'est l'envahisseur qui y perdra le plus, son âme. De recommander aux Juifs de ne pas résister et de dire, de parler à Hitler, mon cher ami, votre doctrine n'est pas tout à fait raisonnable. C'est là où se pose la frontière. Je pense que Gandhi a une stratégie extraordinairement utopique, magnifique, lorsqu'il parle à des êtres humains qui peuvent considérer que leur culpabilité est une façon qui peut les amener à changer d'avis ou leur capacité à se sentir coupable. Et quand vous parlez à quelqu'un qui n'a pas de remords, la non-violence n'a pas de prise. Pour ces gens-là, la seule façon de les combattre, c'est de les combattre. Cet extrait montre très bien, Karl Bouchard, les limites de la doctrine de non-violence de Gandhi. Et ça nous ramène, au fond, à cette question que posait l'animateur de Second Regard au début de l'émission, Alain Crevier, quand il disait « Est-ce que la non-violence était une manière de parler à un monstre? » Oui. C'est une manière de parler à un monstre. Ben, il faut comprendre que les motivations de Gandhi, ben, d'une part, c'est de convaincre. Il doit convaincre. C'est pour ça qu'il écrit à Hitler. Il n'y a pas d'autre raison. On veut convaincre Hitler. Mais il faut comprendre aussi le contexte dans lequel on est. On est à la fin des années 30. Il y a une menace de guerre extrêmement forte pour Gandhi, comme pour beaucoup de ses contemporains. La menace est réelle, donc il faut faire attention. Il est possible que le monde sombre dans la guerre. Il y a une volonté d'intervenir, de dire « si je pouvais ». Exactement. Peut-être dans quelle mesure il y croit vraiment, ça c'est une autre grande question, mais en tout cas, il se dit « ça vaut la peine d'envoyer une lettre à cet homme-là ». Oui, ça vaut la peine. Parce que le monde est menacé, la paix est menacée. La paix est menacée. C'est la seule personne qui a en ses mains la paix. Donc, c'est lui qui va déterminer s'il y a la guerre ou la paix. Donc, Gandhi n'est pas dupe là-dessus sur les objectifs d'Hitler. Ouais. C'est-à-dire qu'il comprend bien qu'Hitler est dans une logique de guerre. Ouais. Mais il a une confiance très, très grande. Si je reviens à ce que dit Jacques Attali dans cet extrait, c'est intéressant parce qu'Attali dit « ça ne marche pas, ce genre de logique, si on parle à quelqu'un qui n'a aucun remords, qui n'est pas de bonne foi, en fait. » Et ça, Gandhi ne le voit probablement pas. En fait, c'est que dans la doctrine de la non-violence, personne est de mauvaise foi. Ouais. L'homme, l'humain, est fondamentalement bon. Donc, il est dans l'erreur et il faut le convaincre qu'il est dans l'erreur. Ouais. C'est ça, c'est pour ça que ces lettres apparaissent comme extrêmement naïves, mais en même temps, elles sont en droite ligne de la pensée de Gandhi. Avec cette conviction que vous en parliez un peu plus tôt, mais la vérité, la justice, la force de la vérité, triomphera. Ouais. Bon, il y a ça, puis on va y revenir à cette doctrine de la non-violence et à ses limites. Il y a ça dans l'équation. Il y a aussi, il faut le dire, des considérations plus terre-à-terre dans cette démarche de Gandhi qui décide d'écrire à Hitler. Oui, ben la démarche, c'est effectivement aussi une démarche nationaliste. C'est que Gandhi sait bien que la guerre arrive, qu'elle est très probable. Donc, une guerre entre l'Allemagne et l'Empire britannique aura des effets probablement imprévisibles sur la cause indienne. Gandhi sait tout à fait que une bonne partie des troupes vont venir de l'Inde, on va se servir des troupes indiennes. Alors, tout ça va déstabiliser aussi le processus d'indépendance de l'Inde, il agit pas uniquement pour des raisons humanistes. C'est clair qu'il y a aussi des considérations plus terre-à-terre, plus prosaïques, plus nationales. Puis avant de s'attarder à ce que dit cette première lettre qu'il va envoyer à Hitler le 23 juillet 1939, encore un petit peu de contexte, parce que Alain Crevier parlait de monstre. Évidemment, quand on pense à Hitler aujourd'hui, l'affaire est entendue. On est en juillet 39, la mécanique allemande, nazie, destructrice, c'est pas complètement enclenché. Oui, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ça, c'est le recul, la difficulté qu'on a de regarder le passé avec les yeux du passé. C'est qu'en 1939, en juillet 1939, en août 1939, Hitler n'est pas encore un monstre. Ouais. C'est un homme extrêmement agressif, qu'on peut craindre, mais c'est pas le monstre qui va être quelques années plus tard. On ne pense pas, évidemment, à ce qui va se passer. La guerre provoque des choses qui étaient inimaginables pour les contemporains. Et donc, à l'époque, on pense encore, et puis c'est pas différent de ce que faisaient les Britanniques et les Français, on pense encore qu'on peut négocier avec Hitler. Ouais. C'est possible de le faire. Quelques mois auparavant, les Français et les Britanniques l'ont fait à Munich. Mm-hmm. Donc, on envisage encore les possibilités. On croit que cet homme a quand même une once de raison et qu'on pourra le convaincre. Et là-dessus, au fond, Gandhi et ses leaders britanniques, américains, français, sont pas si loin les uns des autres. Ouais. On revient donc à cette première lettre qui est envoyée à Hitler le 23 juillet 1939. Que dit Gandhi dans cette lettre? Dear friend, friends have been urging me to write you for the sake of humanity. Mon cher ami, des amis m'ont encouragé à vous écrire pour le bien de l'humanité. J'ai résisté à leur requête, pensant qu'une lettre de ma part serait une impertinence. Mais quelque chose me dit que je ne dois pas faire de calcul et que je dois faire cet appel, quel qu'en soit le prix. Il est assez clair que vous êtes aujourd'hui la seule personne au monde qui puisse empêcher le déclenchement d'une guerre pouvant réduire l'humanité à l'état sauvage. Which may reduce humanity to a savage state. Must you pay that price for an object? Devez-vous payer ce prix pour atteindre votre objectif, aussi précieux vous semble-t-il? Écouterez-vous l'appel d'un homme qui a délibérément évité la solution de la guerre, non sans un certain succès? Je sollicite néanmoins votre pardon au cas où j'ai commis une erreur en vous écrivant. Je reste votre ami sincère, Gandhi. Your sincere friend, M.K. Gandhi. Ce qu'on vient d'entendre est donc le contenu intégral de cette première lettre, Karl Bouchard, de Gandhi à Hitler en juillet 39. Comment interpréter, comment analyser le contenu de cette lettre-là? Ouais. Elle est déjà toute petite, on l'a vu par l'extrait, c'est une douzaine de lignes dactylographiées, c'est une très petite lettre. Et tout ce que fait Hitler dans cette lettre, après avoir appelé mon cher ami, puis je pense qu'on pourra revenir sur cette expression, c'est que c'est un appel en fait. Gandhi dit à Hitler, le sort du monde réside dans vos mains. Ouais. Et vous devez m'écouter. Vous êtes, je le cite, vous êtes aujourd'hui la seule personne au monde qui puisse empêcher le déclenchement d'une guerre. Et surtout, ce que dit Gandhi à Hitler, c'est est-ce que tous les moyens ont été utilisés pour parvenir à vos fins? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un autre moyen de parvenir à vos fins? Et ces moyens, ça pourrait être la non-violence. Et regardez-moi, regardez mon parcours, vous verrez que la non-violence peut être une façon de parvenir à des résultats. Et ce qui est intéressant avec cette lettre, c'est que Gandhi ne se positionne pas sur la justesse des revendications d'Hitler. Et à l'époque, beaucoup de gens reconnaissent aussi que l'Allemagne a peut-être raison de vouloir réunir tous les Allemands dans un seul État, puisque c'est ce qu'on veut faire depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Le nationalisme est très fort. On parle de la question de l'autodétermination des peuples. Donc, il y a aussi tout un discours dans les années 30 qui dit, dans le fond, les revendications allemandes, elles ne sont pas forcément mauvaises. Gandhi lui-même mène ce combat nationaliste. C'est exactement ce que fait Gandhi en Inde. Donc, il défend aussi indien. Alors, pas de questionnement pour Gandhi sur la valeur morale ou amorale du combat d'Hitler. Ce qui le dérange, c'est qu'il y a d'autres moyens, à son avis, de combattre la domination extérieure. Eh bien, pour lui, c'est la non-violence. Le 1er septembre 1939, Hitler annonce au Reichstag que depuis ce même jour, 5h45, l'Allemagne tire sur la Pologne. L'agression est commencée. Le premier règle polonais arraché. Les barrières symboliques des frontières sont ouvertes. On nous a fait un stahl auf die Todesmeister. Deutschland, Sieg Heil! Quand Gandhi écrit sa deuxième lettre à Hitler en décembre 1940, on vient de l'entendre, là. Ce qu'on vient d'entendre, c'est septembre 39. La Pologne est envahie en septembre 39. Ouais. En décembre 40, la Pologne est envahie, la France est envahie, la Belgique est envahie, et, entre autres. La guerre est vraiment bel et bien et très enclenchée, très amorcée. Oui, à ce moment, en décembre 1940, l'avantage est vraiment du côté des Allemands. Ils ont toujours... le pacte germano-soviétique de non-agression est toujours en vigueur. Et donc, tout ce qui est à l'ouest de l'Allemagne a maintenant été conquis ou est allié de l'Allemagne. Il reste uniquement l'Empire britannique, en fait, qui est en Donc le contexte est très différent. Quand Gandhi écrit cette deuxième lettre, on n'est plus du tout au même endroit. Exactement. Là, on est vraiment en période de guerre et on est à une autre échelle, en fait, par rapport à la première lettre d'avant-guerre. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette seconde lettre, Gandhi, à Hitler? Oui, elle est déjà beaucoup plus longue. Alors, on sent qu'il y a quand même un poids là, de plus important. Encore une fois, il commence toujours par ce fameux « mon cher ami ». Et là, visiblement, le fait d'avoir appelé Hitler la première fois « mon cher ami » a posé problème. Alors, Gandhi précise, je le cite, « Si je vous appelle ainsi, ce n'est pas par formalisme, je n'ai pas d'ennemis. Depuis 33 ans, l'œuvre de ma vie a été de m'assurer l'amitié de toute l'humanité, sans distinction de race, de couleur et de croyance. » Donc, dès le départ, il explique pourquoi il appelle. Il n'a pas d'ennemis. Il dit la même chose des Britanniques. Les Britanniques ne sont pas mes ennemis. Je les combats par mes moyens, mais ce ne sont pas mes ennemis. Au contraire, je les aime. Ouais. Donc, ça fait partie toujours de la doctrine de la non-violence, bienveillance et amitié envers l'ennemi pour mieux être capable de le convaincre. Ensuite, ce que Gandhi va dire, encore une fois, ramener sur le sujet des objectifs d'Hitler, en disant « On ne doute pas que vous aimez votre patrie. » Et surtout, Gandhi va dire « Nous ne croyons pas que vous soyez le monstre décrit par vos adversaires. » Donc, il y a encore une fois cette volonté d'amadouer, dans une certaine mesure, Hitler, en le présentant comme quelqu'un de fondamentalement bon et toujours cette amitié très présente. Alors, Gandhi, apôtre du nationalisme indien, on l'a dit, ne peut pas condamner Hitler au nom de son nationalisme. Et donc, il ne peut pas le haïr pour ses gestes, parce que c'est comme ça qu'on peut convaincre quelqu'un. Donc, la phrase suivante va compléter sa pensée, je vous la cite. « Mais vos écrits et vos déclarations, ainsi que ceux de vos amis et de vos admirateurs, ne permettent pas de douter qu'un grand nombre de vos actes ne soient monstrueux et attentatoires à la dignité humaine. » Alors là, c'est très important parce que Gandhi dit « Ce qui est condamnable, ce ne sont pas vos objectifs, ce sont vos moyens d'action. » Donc, il y a une distinction ici. Il n'est pas un monstre, mais ses actes sont monstrueux. Et là, on est encore une fois tout à fait dans la méthode d'action non-violente. On ne condamne pas l'individu, mais on condamne ses gestes. Et c'est la méthode d'action d'Hitler qui est monstrueuse pour Gandhi. Et c'est là qu'on a vraiment l'essence un peu de la non-violence. Il va même lui dire deux choses, en fait. Il va jouer un peu sur la carte penser au jugement, à la façon dont votre peuple vous jugera si vous ne changez pas vos méthodes. Ouais. Et puis, il va essayer de le convaincre en lui disant, puis l'autre méthode, la mienne, elle marche. Elle marche, exactement. Regardez ce que j'ai fait avec les Britanniques. Et puis, là aussi, en disant, et vous l'avez tout à fait soulevé, le fait de dire, vous ne laisserez pas un héritage dont les Allemands pourront être fiers. Ouais. C'est aussi tout un rapport au temps qui est différent et qui est très caractéristique aussi de la non-violence. C'est-à-dire que pour Hitler, pour Gandhi, pardon, le combat, c'est un combat à long terme. Et c'est le principe de la non-violence. Il ne suffit pas de se battre sur un champ de bataille, mais c'est un combat à plus long terme. Alors, dans la dernière partie de la lettre, ce que fait Gandhi, c'est d'essayer d'expliquer sa méthode plus précisément. Et il va essayer d'amadouer Hitler en disant « On ne peut pas perdre avec la non-violence. Mm-hmm. C'est une méthode imbattable. Et c'est le rapport au temps qui est différent. Elle se base sur le fait, ce que dit Gandhi, qu'on ne peut pas gagner une bataille si on n'a pas une coopération, volontaire ou non, des gens qu'on veut combattre. Ouais. Et si les résistants, ceux qui résistent à Hitler, n'acceptent jamais de coopérer, eh bien, à plus ou moins long terme, Hitler va perdre. Il faut en retenir... Ça reste troublant, d'une certaine façon. Absolument. On est pris dans nos chaînes de pensée. On a cet homme, cet apôtre de la paix qui écrit à ce qui deviendra le monstre que sera Hitler. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut retenir du geste, de la tentative de Gandhi de convaincre Hitler de renoncer à la violence? Ouais. Ben, il faut retenir un héroïque effort de conversion. C'est vraiment ce que veut faire Gandhi lorsqu'il écrit à Hitler. Ce qu'on peut retenir aussi, en fait, ce qui me frappe dans cette lettre, c'est cette bienveillance, justement, cette volonté de dissocier la personne, les actes, l'effort de conversion, la conviction inébranlable que la doctrine défendue est efficace et que c'est la seule possible pour Hitler pour connaître la victoire. Donc, La lettre nous dit aussi, et nous questionne sur la question du totalitarisme, on revient un peu à ce que disait Alain Crevier au départ, est-ce qu'on n'a pas là les limites de la non-violence? Et je pense qu'il faut absolument se poser des questions là-dessus. Lord Halifax, par exemple, l'ancien ministre des Affaires étrangères britannique, rapporte dans ses mémoires qu'Hitler lui a dit, vous savez, pour régler le nationalisme indien, c'est très simple, hein, vous tuez Gandhi, et après, si ça continue, vous tuez une dizaine de ses disciples, et si ça continue, vous tuez 200 personnes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nationalistes indiens. Donc, pour Hitler, la violence, c'est la seule fin en soi. Il y a une valeur à la seule violence. Autrement dit, la réalité que vit Gandhi dans son propre combat nationaliste avec les Britanniques qui sont face à lui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Avec la logique d'un Hitler. Exactement. Ce que des gens diront, c'est que c'est facile pour un Indien de se défendre lorsqu'il y a 200 millions de personnes derrière lui. Ouais. Alors qu'en Allemagne, la situation des Juifs, par exemple, est complètement opposée. Mmh. Il y a quelques 500 000 Juifs contre des millions d'Allemands qui sont portés par une idéologie violente. Il ne parle pas, vous parlez des Juifs. Ouais. Gandhi ne parle pas dans ni l'une ni l'autre de ces deux lettres du sort réservé aux Juifs, la question juive. Jamais. Pourquoi? Ben, il en parle indirectement en parlant de ces actes monstrueux, mais je ne sais pas si on peut précisément dire pourquoi. Ce qu'on peut dire, c'est que Gandhi sait que la condition des Juifs en Allemagne est extrêmement déplorable et très critique. En 1938, il a déjà publié une lettre à ce sujet. Et puis, il fait ce que fait le prophète, c'est-à-dire qu'il dit si les Juifs utilisaient la non-violence, ils pourraient réussir à lever un courant de sympathie tel qu'Hitler ne pourrait plus les pourchasser. Évidemment, les Juifs allemands ont répondu en disant « Mais vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas l'idéologie nazie, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la réalité des Juifs en Europe. » Ces deux lettres de Gandhi à Hitler ne parviendront jamais à Hitler, Karl Bouchard. Elles vont être saisies en cours de route par les Britanniques. Ouais. Pourquoi? Ils sont saisis parce qu'on est en temps de guerre, déjà. Donc, la première un peu avant la guerre et la deuxième après la guerre. Bon, tout le courrier de Gandhi est tout à fait filtré par les autorités britanniques. Il ne faut pas que ça sorte. On est dans un schéma là, d'espionnage, de contre-espionnage. Il n'est pas question d'envisager un rapport entre un citoyen, malgré tout, un citoyen indien, mais membre de l'Empire britannique, avec un ennemi ou avec un futur ennemi. Donc, les lettres ne sont jamais lues. Mais en fait, peu importe, parce que Hitler les élu ou pas, il n'aurait évidemment pas changé son plan de campagne et ses plans d'attaque. Mais ces lettres, elles nous parlent surtout de Gandhi, en fait. Ouais. Elles nous parlent surtout de la non-violence. Et puis, c'est vrai, dans une certaine mesure, des limites de la non-violence, mais en comprenant mieux comment fonctionne l'esprit de Gandhi et la doctrine, on comprend mieux aussi les paroles et les arguments évoqués par Gandhi. Karl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire, merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.